Donc, bonjour mes frères et sœurs et mes amis. Et en ce lundi et durant la semaine, nous allons étudier le chapitre 8 et le chapitre 9 de 2 Corinthiens. Notre bon Père du ciel, c'est toujours un privilège de s'arrêter et de regarder à ta parole afin qu'elle nous instruise. Et on veut, Seigneur, que tu puisses nous montrer ta volonté, tes désirs pour nous. À travers cette semaine, donne-nous de nous soucier de ta gloire, de ton œuvre, de ton peuple. Nous implorons l'œuvre de l'Esprit en nous afin qu'on puisse bien comprendre ce que ton Esprit a inspiré aux écrivains de la Bible. Amen. De tout temps, l'Église a lutté au-dedans et au-dehors avec la question de l'argent. Et dans ces deux chapitres, on parle d'argent, on parle d'une collecte qui a été faite au temps de l'apôtre Paul. Je lisais dernièrement un article sur les œuvres de charité, les œuvres de bienfaisance. Et l'article dans la presse indiquait à quel point il y avait de l'arnaque à l'intérieur de toutes ces œuvres de charité. Qu'une grande partie de l'argent donné servait à l'administration et au salaire de ceux qui s'occupent de ces mouvements-là. À travers l'histoire de l'Église, l'Église a été blâmée sur la question des argents. Et même quand on regarde à l'intérieur même de la Bible, il y a beaucoup de références aux questions de faux prophètes et d'argent. Même au temps de Jésus, les pharisiens étaient reconnus pour cela. Donc, l'argent dans l'histoire de l'Église était présente, pas toujours pour le bien. Il était longtemps que l'Église était reconnue pour sa générosité pour prendre soin des pauvres et des veuves et des orphelins. Mais, à travers aussi les siècles, elle était souvent critiquée pour avoir abusé financièrement des fidèles. Comme on a entendu dire aussi qu'elle a été accusée d'abus sur les enfants. Donc, c'est pas surprenant que dans cette épître de 2 Corinthiens, là où les faux apôtres ont accusé un leader qui était Paul au sujet de l'argent. Donc, on va voir comment répond Paul à ces accusations-là, et comment il dirige l'Église dans cette collecte de fonds qu'on va voir ensemble. Je ne sais pas à quelle occasion ça a eu lieu précisément, mais les chrétiens de Jérusalem, comme on va voir, ont besoin d'aide financière à cause de qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est la famine dont on parle dans Actes 11, peut-être, ou est-ce autre chose? Je ne suis pas sûr. Mais ça ne change pas l'enseignement qui nous est donné ici. Cet enseignement dans ces deux chapitres-là n'est pas là pour encourager l'Église à donner aux missionnaires, à donner aux offrandes le dimanche à l'Église. Elle n'est pas là pour ça. Le but ici, je crois, premier, c'est d'expliquer à l'Église de Corinthe à quoi sert cette collecte-là, comment elle va se faire, les raisons pourquoi elle se fait, pour démentir les faux apôtres ou les faux enseignants qui étaient dans l'Église de Corinthe. Nous allons prendre le temps pour commencer de lire notre texte de ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Paul veut-il s'en mettre plein les poches? Paul est-il une personne qui utilisait la souffrance des gens pour s'enrichir? Paul utilisait-il son autorité pour manipuler les gens? Nous allons voir que ce n'est pas exact. Dans le texte que nous venons de lire, nous allons voir la raison fondamentale de l'œuvre ou de la collecte qui se fait. C'est une manifestation de la grâce de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 1. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté. Ce qui se passe autour de la collecte, c'est une manifestation de la grâce de Dieu dans les églises de la Macédoine et dans d'autres églises aussi. Mais là, dans les premiers versets, il va citer en exemple les églises de la Macédoine qui ont participé à cette collecte pour les pauvres de Jérusalem. Et Paul dit que si vous regardez bien ce qui se passe en Macédoine, ce qui s'est passé là, autour de la collecte, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Comment s'est-elle manifestée, cette grâce de Dieu? Cette œuvre de Dieu, ce qui est en train de dire par la grâce de Dieu, là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie des Macédoniens. La première chose qu'on nous dit au verset 2, c'est le quand. Quand est-ce que ça s'est manifesté, cette grâce de Dieu-là? Il dit, à travers la grande épreuve de leur affliction et leur pauvreté profonde. Donc, pendant une période de la vie des églises de Macédoine, ils sont dans de l'affliction, ils souffrent à cause de l'Évangile et ils sont dans une pauvreté profonde. Et on ne s'attendrait pas que des gens dans une telle situation participeraient à une collecte de fonds pour les pauvres de Jérusalem. Mais oui, eux autres sont dans cette situation-là. Et il nous dit que c'est avec une joie débordante qu'ils ont mis de côté des dons, des offrandes, abondamment, ce qu'il dit à la fin du verset, une abondante de riches libéralités de leur part. Donc, ce verset-là est une manifestation de la grâce de Dieu que des gens qui sont dans la pauvreté, dans les difficultés, sont capables de voir, par la grâce de Dieu, qu'il y a des gens encore plus mal pris qu'eux autres et qu'ils vont le faire avec joie. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas de la pression, ce n'est pas un sentiment de culpabilité qui les pousse à donner. Non, ils sont dans la joie. Ils sont poussés par la grâce de Dieu. Alors, je me souviens d'avoir assisté à bien des conférences où est-ce qu'on nous demandait de participer à une offrande et on mettait de la culpabilité. Un peu comme on voit ces émissions à la télévision, où est-ce qu'on nous montre des enfants avec des gros ventres qui sont toutes sales, qui ont des mouches sur le coin des yeux et qui sont... Puis là, on nous met de la culpabilité que nous autres sommes assis dans nos grosses chaises et on avait nos télévisions de 50 pouces. Là, on se sent coupable. Et on va faire un chèque des fois. Mais ce n'est pas avec l'attitude que les Macédoniens ont ici. Et ils ont, au verset 3, une autre manifestation de la grâce de Dieu. Il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Volontairement selon les moyens et même au-delà de les moyens. C'est volontaire. C'est de leur plein gré. C'est ce qu'ils voulaient faire. Avec joie. Ils veulent participer à cette abondante collecte qui est en train de se faire. On va voir un peu plus bas dans le texte. Qu'est-ce que si on donne et que ce n'est pas notre pleine volonté, avec la connaissance, on sait ce qui se passe, et on veut aider les gens. Si ce n'est pas de notre pleine volonté, c'est plutôt de la résignation, c'est plutôt un acte mauvais qu'un acte de bonté. Et au verset 4, il dit, il nous demande avec de grande insistance la grâce de prendre part à cette collecte pour les saints de Jérusalem. C'est des gens qui priaient, qui suppliaient Paul de leur rendre, de leur laisser la possibilité de participer à cette collecte-là. C'est comme si Paul leur disait, mais voyons donc, vous êtes dans l'affliction, vous êtes dans la pauvreté, vous êtes vous-même dans la difficulté, gardez vos argent pour vous-même. Non, on veut aider, non, on veut participer, on veut montrer notre amour pour Dieu. Nous voulons faire quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Ils veulent. Ça, c'est la grâce de Dieu. L'être humain, de par sa nature, n'est pas comme cela. C'est pour ça qu'on voit, à travers notre société, des grands efforts de toute forme pour essayer d'arracher quelques dollars aux gens de la société pour les pauvres, pour le sida, pour le cancer, pour... Il y a des dizaines et des dizaines de raisons qui nous sont données pour pouvoir donner. Il semble que c'est difficile de finalement avoir de l'argent pour les œuvres de charité. Ce n'est pas dans la nature humaine. La nature humaine, c'est qu'on aime recevoir. On aime se faire donner. Mais de donner avec joie, de donner volontairement, de vouloir donner avec empressement, de supplier de donner, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Plusieurs donnent parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent recevoir en retour. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'ils veulent recevoir. Ça peut être multiple. Mais ils donnent, mais pour recevoir. Et finalement, l'auteur nous dit au verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, avant de vouloir donner aux œuvres de charité pour le peuple de Dieu, parce que la question ici, c'est bien ça. C'est pas des œuvres de charité pour le tiers-monde, ou le cancer, ou les maladies du cœur. C'est pour les saints, le peuple de Dieu à Jérusalem. Donc, on ne peut pas vouloir donner au peuple de Dieu avant s'être donné soi-même à Dieu. Il dit, ils se sont donnés d'abord à Dieu et à nous par la volonté de Dieu. Donc, c'est des gens qui ont reconnu la grandeur du geste de Dieu à leur égard, ils se sont eux-mêmes donnés au Seigneur comme serviteurs, comme servants de Dieu. Ils veulent s'impliquer dans l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, ils apprennent que les autres enfants de Dieu ailleurs sont dans des difficultés. Donc, ils veulent participer à ce que Paul est en train de faire avec les autres chrétiens. Par la volonté de Dieu. Il voit cette collecte que Paul est en train de faire avec Tite et d'autres personnes comme la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est derrière ça. Et ils veulent participer. Voyez-vous la différence entre une collecte de fonds ordinaire et une collecte de fonds qui est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des gens? Si cette collecte-là ne serait pas une manifestation de la grâce de Dieu, ça ne servirait pas à la gloire de Dieu. Ça servirait peut-être au bien-être de certaines personnes, mais ça ne servirait pas à la gloire de Dieu. Les offrandes du peuple de Dieu sont une manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Notre Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces quelques instructions ce matin. Puisses-tu être béni, puisses-tu être loué pour ta grâce dans notre vie. Nous nous sommes donnés à toi. Parce que tu nous avais manifesté ta grâce en Christ, premièrement. C'est toi qui nous as attirés à toi. Nous sommes, nous, une manifestation de ta grâce. Et les offrandes que nous faisons sont une manifestation de ta grâce en nous. Ô Seigneur, que ta grâce soit toujours la motivation ou la raison de ce que nous faisons pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.